L'ALS et le sida. Les études réalisées il y a 10 ans par Bill McAnally démontrent qu'un autre polysaccharide carisin a été isolé, une étude canadienne l'identifie comme asmanan, avec une spéciale action antivirale. La substance est brevetée par les laboratoires Carrington. Il existe des preuves cliniques qui en démontrent l'efficacité, comme stimulant du système immunologique chez des patients atteints du sida, en empêchant que le virus HIV se répande. Nous discuterons de ces découvertes avec le lecteur. À mon retour du Moyen-Orient et de l'Europe, en août 1995, le hasard m'a mis entre les mains, La guérison silencieuse, une étude moderne sur l'aloe vera de Bisekoa, RPH avec Robert Aola, dans une traduction particulière commanditée par Toi Cosmétique, et Aloe, Mythe, Magie, Médecine, Aloe vera au fil du temps, de du monsieur Enessé, Bilerco. Les études les plus complètes que j'avais lues jusqu'alors, sur l'aloès employée sur personnes et animaux, dans un espace de temps de 20 ans d'expérience de la part des auteurs. Cela peut sembler incroyable, mais en lisant ces textes je me sentais chez moi, vu qu'une expérience semblable je l'avais faite moi aussi, mutati mutandi, surtout pour les personnes, moins pour les animaux. Spécifiquement sur le sida, Aloe, Mythe, Magie, Médecine présente le texte, Sida, une nouvelle frontière de la recherche, page 88-91. Pour son importance et pour sa clarté, nous transcrivons tout le passage. Sa lecture démontre qu'aux États-Unis, l'ALS était déjà employée sur les personnes atteintes du sida, à notre insu et avec les mêmes effets que nous avions nous, voilà le texte, depuis 1987. Il est chose normale de venir à savoir de la part des victimes du sida de la zone de Dallas-Fort Worth, que le jus d'aloe ou une drogue, polymanoacétate, dérivée de celle-ci, avait procuré un soulagement en égale mesure aux symptômes de la maladie, et avait protégé les porteurs du virus, qui toutefois ne manifestait aucun des symptômes du sida témoin du développement de la maladie. Le travail a été effectué au centre médical de Dallas-Fort Worth, Grand Prairie, Texas, et, vu le statut personnel des médecins impliqués, il revêt une certaine importance, ce serait un acte de négligence de ne pas rapporter les résultats obtenus jusqu'à maintenant. Il est très important de comprendre qu'une telle recherche ne démontre pas que l'aloe vera conduise à une guérison du sida. Elle révèle, par contre, que dans tous les cas examinés, des résultats excellents ont été obtenus, et que dans la plupart des tests, l'aloe vera a empêché le développement de la maladie. En d'autres termes, l'aloe vera ne conduit pas à une guérison du sida, mais elle constitue un traitement très efficace. Ce préliminaire a été présenté pour la première fois dans un article, La drogue de l'aloe vera peut remplacer le AZT sans danger de toxicité, dans le Medical World News, édition de décembre 1987. L'article se rapportait au travail de recherche du Dr. Ashtre Daniel. Selon lui, une substance contenue dans la plante de l'aloe, annonce la possibilité de renforcer le système immunitaire des malades du sida, et de bloquer l'expansion du virus d'immunodéficience humaine sans effets toxiques collatéraux. Les résultats de l'étude du Dr. McDaniel ont démontré que les symptômes observés sur 17 malades du sida ont diminué de façon significative, quand une dose de 1000 mg de drogue leur a été administrée, chaque jour, pendant une durée de 3 mois. Après cette période, 6 malades avec la maladie en phase avancée, avaient eu une amélioration, avec une réduction des symptômes de 20%, alors que les patients moins sérieusement atteints, ont constaté des améliorations avec une moyenne d'environ 71%. Le Dr. McDaniel a également exposé les résultats de sa recherche lors de la rencontre réunissant la Société américaine de pathologues cliniques, et le Collège des pathologues américains. Il dit que, fièvre et manifestations de transpiration nocturne, diarrhée et infections génériques, ont été éliminées et des améliorations significatives, se sont vérifiées chez tous les patients, avec une diminution correspondante dans les cultures de cellules de l'HIV positif, et une diminution des niveaux de l'antigène principal de l'HIV. La masse d'érythrocytes a augmenté sauf chez un patient, et 12 d'entre eux, initialement leucopéniques, ont eu une légère augmentation du nombre des globules blancs après la cure. Aucun effet toxique n'a été observé chez 29 patients, auxquels la drogue expérimentale a été administrée. 11 est donc clair que le jus d'aloe de bonne qualité, peut atténuer les symptômes du sida. Cela ne nous surprend pas, étant donné que la drogue, polymanoacétate, est produite par la plante et est certainement présente dans le jus. L'article d'Irwin Frank, publié mardi 12 juillet 1988 sur le Dallas Times Herald, cite le docteur Terry Puiz en disant que 580 grammes, 20 onces, de jus d'aloe vera, avec la drogue stabilisée dans l'aloe, ont été administrés oralement à 69 malades du sida. Apparemment, le docteur Irwin veut dire jus d'aloe vera stabilisé. D'après l'article, Puiz rapporte que les malades traités avec la drogue, étaient classifiés comme ceux qui n'auraient jamais eu d'amélioration, et ne se seraient jamais rétablis, mais qui, en suivant la cure auraient été capables de reprendre le travail normal. L'article a cité les paroles de Puiz selon lesquelles les malades, ont pu récupérer leurs énergies, car ils ont eu une disparition presque totale de leurs symptômes, et cela s'est produit pour 81% des malades auxquels la drogue a été administrée. Il ajoute que les patients porteurs du virus du sida, qui n'ont jamais manifesté aucun symptôme de la maladie, n'en ont pas manifesté non plus pendant qu'ils prenaient la drogue dérivée de la plante d'aloe vera. Plutôt un patient prendra la drogue, et plus tôt il se rétablira, affirme Puise. Ces patients ont pris 580 grammes, 20 onces, de jus par jour, et je les ai maintenus en vie ainsi pendant longtemps. J'en ai maintenu quelques-uns pendant plus de 2 ans. Nous avons eu des morts, continue-t-il, mais la mort de ces patients peut être attribuée à la chimiothérapie pour cancer de la peau ou autre, ou bien à d'autres drogues prises en association, et qui ont paralysé leur système immunitaire, comme la ZT. Quand nous avons demandé à Puise quelle signification pouvait avoir ses études et son traitement pour la cure ou la guérison du sida, celui-ci a répondu, il démontre que tant qu'il n'y aura pas un projectile magique, cette solution sera provisoire et prolongera la vie des malades du sida, pour un prix très bas par rapport au coût de la ZT. Après avoir lu cet article, nous avons pu obtenir les copies des données réelles de la recherche publiée par le Dr Puise avec à ses collaborateurs, H.R. Daniel et Ter. Watson, tous du centre médical de Dallas-Fort Worth. Les informations données par Puise ont été vérifiées afin d'éliminer les confusions relatives à ce qui avait été exactement utilisé dans l'étude, si le produit était le jus de l'aloe vera ou la drogue, ou tous les deux, et dans quel pourcentage. À partir de ces données et d'une enquête ultérieure, il semble que le jus d'aloe vera, à l'état naturel, soit également un traitement efficace contre le sida tout, comme la drogue stabilisée à froid, un produit dérivé. Naturellement, tout malade du sida convaincu que l'aloe vera peut améliorer ses conditions, devrait avoir la prudence de n'acheter qu'un jus 100% aloe vera et, comme nous l'avons souvent réitéré, vérifier qu'il ne ressemble en rien à l'eau. La véritable aloe, nous le répétons, a une couleur ambrée et un goût amer. Essayez d'imaginer ma surprise devant un article de ce genre. En d'autres termes, il confirmait ou donnait un fondement à mes nombreuses années de pratique. Cet article m'a donné une grande confiance dans les activités que j'avais pratiquées jusqu'alors de façon artisanale, sans une sécurité basée sur les expériences d'autrui, poussée seulement par la bonne volonté d'aider des personnes angoissées. C'est presque par hasard que j'ai aidé des malades du sida, dans le sens que les personnes concernées par le problème m'appelaient, parce qu'elles étaient venues à connaissance des cas de guérison du cancer. Si l'aloe a donné de bons résultats pour le cancer, pensait-elle, ne pourrait-il être aussi une aide pour la cure du sida ? Pour ma part, je faisais le raisonnement contraire, si l'aloe a guéri des tumeurs, pourquoi pas le sida? À la suite, on trouve décrit quelques cas de personnes qui ont demandé mon aide. En employant toujours la recette proposée ici, j'ai aidé un musulman de 20 ans, de Ramallah, aux environs de Jérusalem. Comme toujours, j'ai utilisé uniquement de l'aloe à l'état naturel, recueilli de la plante et préparé ensuite, n'ayant jamais recours au processus de stabilisation que, d'autre part, je ne connaissais pas. Il faut dire que la première fois, le jeune homme vint à moi en chaise roulante, accompagné par des parents, dans un état désastreux, la deuxième fois il vint seul, sur ses propres jambes. La joie de la famille, quand elle m'a revu, a été immense, ils m'ont demandé la permission, sur le lieu même, de prier Allah, avec les visages tournés vers la Mecque, et s'agenouillant avec révérence, selon les coutumes de l'islam. Comment sera fini le cas d'Alex? Vit-il encore? Vincent au monsieur de Lascari, Palerme, Italie, après avoir pris 3 flacons de la préparation, a été embauché comme infirmier à l'hôpital de Palerme. Si le virus n'avait pas été bloqué, aucun médecin-chef, jouissant de toutes ses facultés, n'aurait jamais embauché un porteur de virus HIV comme infirmier, sachant fort bien qu'une personne qui assiste un malade est en danger constant de transmettre la maladie. J'ai rencontré Vincent Zo à Palerme en mai 1995, au travail. Apparemment, il était semblable à n'importe quel jeune homme de son âge. À première vue, personne ne pouvait imaginer qu'il s'agissait d'un malade du sida. Et Aigle, malade du sida, de Cagliari, Sardaigne, Italie, a téléphoné à Bethléem et a reçu les indications appropriées. Après 3 ou 4 flacons de la préparation, elle a passé des examens à Turin où le docteur Maurizio Grandi, t'a retourné comme une chaussette, la visitant aussi bien intérieurement qu'extérieurement. À la première visite, les valeurs étaient proches de 500. À la deuxième, elles avaient atteint 700. Et Aigle, bien sûr, continuait à prendre la potion. À mi-juin, quand je me suis rendu dans l'île, et Aigle s'est présenté à moi, non plus par téléphone, mais en personne. Une très belle jeune fille, forte, avec de belles couleurs aux joues. Je ne pouvais absolument pas imaginer de me trouver en face d'une malade du sida. Elle m'a dit que les valeurs étaient arrivées à 1000, un nombre considéré tolérable, dans la norme. Mon Dieu, comme elle trépidait. Quelle joie de vivre. Quelle joie pour sa victoire jusque-là. Le cas certainement le plus éclatant en ce qui concerne le sida, est celui de la doctoresse Christina Sagna, de Cagliari, Sardaigne, Italie. Ce médecin, d'origine gréco-orthodoxe, après avoir terminé son travail à l'hôpital, prend son véhicule tout terrain et parcourt l'île à la recherche de l'aloès, abondant dans la région, avec lequel elle soigne les presque 3000 malades du sida de l'île. Elle effectue ce travail comme volontaire. À ce propos, elle a pris part à une conférence à l'amphithéâtre de la commune de Siné, à côté de Cagliari. À cette occasion, la doctoresse a parlé des excellents résultats obtenus sur ses patients grâce à ma recette. Elle a dit que normalement, après avoir pris 3 flacons, les malades retournent à une vie normale. Avec l'estomac en bon état, avec plus d'appétit, avec de bonnes couleurs et le foie rétabli, la personne retrouve sa vie, reprenant dans de nombreux cas, toutes ses activités. 2 mois après avoir retrouvé ma patrie, et plus précisément après une série d'entretiens avec les masses médias, qui ont commencé par une interview accordée à Radio Geba, le 2 septembre 1995, dirigée par le médecin et journaliste Dr Abraão Winogron, dans son traditionnel programme Médecine et Santé, avec grande audience, ayant comme interlocuteur le Dr Sergio Reutemann. J'ai commencé à transcrire une grande liste d'entretiens téléphoniques, environ une vingtaine, provenant la plupart de Porto Alegre, par lesquels on m'a tenu informé sur l'état de santé des porteurs du virus du sida, meilleure disposition générale, plus d'appétit, de la force pour marcher, des couleurs aux joues, etc. En un mot, après 2 ou 3 doses, une nette amélioration a été constatée. Concluant ce chapitre, je voudrais répéter, que personne ne se fasse d'illusions. L'aloe ne guérit pas et n'élimine pas le virus HIV. Elle empêche seulement qu'il se répande, chose déjà importante devant la gravité du mal. En ce qui concerne le cancer, l'aloès guérit assurément, renouvelant tout l'arsenal des cellules compromises, dans une véritable régénération du système immunologique affaibli, matière du chapitre à part de ce livre. Malheureusement, il n'en est pas de même pour le sida, l'aloé ne guérit pas le sida. De toute façon, c'est déjà une joie d'annoncer, que nous avons une issue pour procurer une meilleure qualité de vie à nos frères malades du sida pour tout le reste de leur vie, bien que l'idéal reste bien sûr, l'élimination pure et simple du virus. Nous espérons que médecine et science, ensemble, parviendront à la guérison le plus tôt possible, car les prévisions pour les années à venir sont tragiques, si la solution devait ne pas arriver rapidement, ce serait une ruine générale. Comme on a pu observer dans l'article reporté ci-dessus, l'aloès agit positivement sur le virus HIV, sans provoquer d'effets collatéraux négatifs, comme c'est le cas pour la ZT et autres drogues. L'aloès est à la portée de toutes les bourses, même celles des plus dépourvues. Une recherche réalisée par l'université de Harvard, États-Unis, en 1993, a soulevé le problème de savoir si les bienfaits de l'AZT de la thérapie anti-sida ne sont pas rendus vains par les effets collatéraux, comme l'anémie, nausées, vomissements et fatigue. En 1995, une autre médecine appelée Indinavir ou MK-639, a réussi à réduire jusqu'à 99% la quantité de virus présente dans l'organisme, et a aussi augmenté de 50 fois le nombre de CD4, un des types de cellules de défense de l'organisme. Mais vu que de telles drogues ne sont économiquement accessibles qu'aux classes privilégiées, aux plus pauvres il ne reste qu'avoir recours à l'aloès, qui répond bien et a 2 avantages, il ne présente pas d'effets collatéraux, et il est à la portée de tous. La même chose peut être dite du cocktail de médecine récemment divulgué par la presse. Outre ses effets collatéraux, son prix est de $2200 américains par mois pour chaque patient. Au maximum, la recette de l'aloès arrive à en coûter 5. Comment s'explique le fait qu'il y a des encyclopédies qui affirment la toxicité de l'aloé? Selon le phytotechnicien Aldo Facetti, la toxicité résiderait dans le concentré d'aloé. Pour l'obtenir, il faut le laisser en infusion ou distiller 3050 plantes avec les racines. Mais à l'état naturel, l'aloé est inoffensif comme un pied de laitue. En confirmation de cette information, la théorie selon laquelle l'aloès serait abortif, s'écroulerait. La même chose en ce qui concerne les dangers pour la cure des hémorroïdes, je peux garantir que l'aloé guérit les hémorroïdes. Si vous voulez être sûr et tranquille, utilisez la plante à l'état naturel, dans cet état, elle est inoffensive. Utilisez-la toujours pour vos problèmes de santé, qu'il s'agisse de problèmes internes ou de plaies externes.